Section 9 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 2. La guerre de Cent Ans. Première partie, 1328-1380. Troisième sous-partie, guerre et gouvernement de Charles V, par Alfred Coville. Du Guesclin. Il y avait encore deux grandes guerres locales. L'une finissant, celle de Bretagne, l'autre commençant, celle de Navarre. Pour en sortir, le régent trouva un collaborateur dont le nom est resté un symbole de vaillance et de droiture, Bertrand du Guesclin. Il était né dans les environs de Dinan, vers 1320, d'une vieille famille qui se disait descendue d'Aquin, roi de Bougie, réfugié en Bretagne au temps de Charlemagne. Le fief était pauvre, le manoir petit et sombre. Bertrand était l'aîné de 10 enfants, détesté de ses parents parce qu'il était noir, laid, épais, brutal. Délaissé et assauvagi, il n'alla guère à l'école et resta fort ignorant. À 16 ans, il s'enfuit à Rennes chez un de ses oncles et s'y fait remarquer comme un vainqueur dans une lutte. Revenu au manoir paternel, il change d'allure, devient généreux, charitable, fréquente les tournois. En 1337, à un grand tournoi à Rennes, il ne peut trouver son maître. Il fait ses premières armes dans la guerre de Bretagne, du côté de Charles de Blois. Pendant les trêves, il organise une bande de paysans, mène la vie de chouans. À l'avènement du roi Jean, il entre au service de la France. Le jeudi saint de 1354, au château de Montmuran, après avoir aidé à repousser une attaque des Anglais, il est fait chevalier. Il prend part en 1356 à la défense de Rennes. C'est une série d'épisodes audacieux, de combats singuliers où il est toujours vainqueur. Le dauphin le fait capitaine de Pontorson et du Mont-Saint-Michel. Il y combattit rudement et s'y fit aimer de ses hommes, allant jusqu'en Champagne réclamer leur solde. Enfin, il sort du pays natal. Il vient, en 1359, sous les ordres du dauphin, assister au siège de Melun. De retour à Pontorson, il continue à faire grande guerre contre les bandes ou compagnies qui restent sur le pays et, toujours infatigable, parcourt la Basse-Normandie, le Perche, le Maine et l'Anjou. Il y gagne de devenir populaire. Il est banneret, conseiller du roi, lieutenant du roi dans deux bailliages, seigneur de deux châteaux. La guerre navarraise. Les hostilités reprenaient en 1362 avec Charles le Mauvais, qui, après avoir vainement réclamé l'héritage de Bourgogne, faisait de nouveau cause commune avec les bandes anglaises. Anglais et Navarrais reparurent dans les environs de Paris et y jetèrent la terreur. Au printemps 1364, le dauphin appelle Du Guesclin pour délivrer la vallée de la Seine. Il avait confisqué les biens de Charles le Mauvais pour crime de félonie. Les premières villes à prendre sont Mantes et Melun. Le 7 avril, Du Guesclin entre à Mantes. 3 jours après, il était à Melun. Au même moment, le roi Jean mourait à Londres. Cependant, le captal de Buch était arrivé. À Évreux, il concentrait ses troupes. Jean Jouel lui amenait des bandes anglaises. Le jeudi 16 mai, l'armée royale les rencontrait à Cocherel. Personne ne voulait prendre le commandement pour le laisser à Du Guesclin. Et la bataille fut commencée au cri de « Notre-Dame Guesclin !» Le captal fut pris. Charles V reçut la nouvelle de cette première victoire la veille de son sacre. Au début de l'année suivante, Charles le Mauvais fut obligé de faire sa paix. Fin de la guerre de Bretagne. La paix de Brétigny n'avait pas réglé la question, toujours contestée, de la succession de Bretagne. Les hostilités y avaient recommencé à la fin de 1361. Les deux adversaires se rencontrèrent enfin, avec toutes leurs forces, à Auray, le 28 septembre 1364. Jean Chandos secondait Jean de Montfort. Du Guesclin accompagnait Charles de Blois. Ce fut une défaite complète pour le parti français. Charles de Blois fut tué, Du Guesclin prisonnier. Charles V voulut tirer parti de ce malheur. Il fit aussitôt négocier la paix, qui fut signée à Guérande, le 12 avril 1365. Jean de Montfort restait duc de Bretagne. Il ferait hommage au roi de France. Jeanne de Penthièvre, elle-même, renonça à toute espérance. Les compagnies. Restaient les compagnies, débris des armées anglaises, navarraises et bretonnes, qui ne se résignaient point à abandonner le pays. L'insuffisance des troupes féodales avait rendu nécessaire l'emploi des troupes soldées. La guerre devint alors une industrie très goûtée et très lucrative. Quand il y eut paix, cette industrie chôma, de là les graves désordres qu'entraîne tout chômage. La compagnie était internationale. En France, on y trouvait des Wallons, des Gascons, des Hollandais, des Navarrais, des Bretons, des Gallois, des Anglais, des Allemands. Ce sont des aventuriers de toute espèce, cadets ou bâtards féodaux, valets, ouvriers comme le tisserand Robert Knolls, etc. Mais ces gens forment une association organisée. Ils ont des secrétaires, clercs faits prisonniers par eux, qui rédigent leurs actes, surtout les sauf-conduits qu'ils vendent à deniers comptants. La compagnie a une résidence, place, château, abbaye. On y vit dans la débauche et la promiscuité. Les chefs entretiennent des maîtresses. Ils volent des enfants pour en faire des pages. Pour soutenir ce train de vie, il faut des rançons énormes payées par les prisonniers ou les villes. Les engagements contractés à ce sujet sont observés très scrupuleusement. On se fait un point d'honneur de payer ces brigands. Les gens de compagnie sont cruels. Les prisonniers sont maltraités. S'ils sont vilains, on s'amuse à les martyriser. Ceux qui ne peuvent ou ne veulent payer rançon sont l'objet de mille cruautés, fouettés tout le jour, enfermés dans des armoires, écrasés sous des mortiers. La compagnie recherche les contrées plantureuses, comme la Basse-Normandie, ou les pays à vin, comme la Bourgogne. Le métier avait enfin un dernier avantage. Quand un chef est fatigué de cette vie, il est sûr de trouver un bon accueil près du roi de France, heureux de cette recrue. Ainsi, Arnaud de Cervol, le fameux archiprêtre, après avoir assiégé le pape dans Avignon, devient lieutenant du roi en Nivernais, épouse une riche héritière. L'histoire des compagnies, laissée ainsi sur le sol de la France par le traité de Brétigny, est difficile à suivre d'une manière générale. Elle est toute locale. En Normandie et en Anjou, de grands efforts furent faits par le gouvernement royal et par les villes pour délivrer ce pays. Hugues de Caverlet, James de Pipe et autres durent abandonner la plupart des châteaux ou abbayes fortifiées où ils s'étaient installés. Dans la vallée du Rhône, Avignon, la cour pontificale, avec ses richesses, attirait les compagnies. Séguin de Badifolle, Jean Accoude, s'emparèrent de Pont-Saint-Esprit, assiégèrent le pape, qui se lamenta, disant qu'il mettait toute la chrétienté à combustion. Ils se répandirent dans tout le pays, d'Avignon à Lyon et de Tarascon à Perpignan. Une croisade fut organisée, elle se termina par une convention. On donna beaucoup d'argent à ces compagnies pour qu'elles se retirassent. 1361. Mais, à la fin de la même année, d'autres se concentrèrent en Champagne et descendirent en Bourgogne. Ce fut la grande compagnie. On y comptait 15 000 hommes. L'armée royale, envoyée pour arrêter ces bandes, fut détruite par elle aux environs de Lyon, à Brignais. 6 avril 1362. Bien des tentatives avaient été faites pour les conduire au loin. Le marquis de Montferrat avait appelé plusieurs bandes en Italie. 1362. Ce furent les mêmes qui, en Provence, proclamèrent roi de France Giannino Gucci de Sienne, prétendu fils de Louis X. L'année suivante, 1362, Henri de Trastamare, prétendant au trône de Castille, venu en France chercher quelques secours, essaya d'emmener en Espagne les routiers du Bas-Languedoc. Le traité ne put être exécuté. Bertrand du Guesclin fut plus heureux. Avec l'aide et les subsides du roi, il réunit à Chalon-sur-Saône des compagnies de Normandie, Champagne, Bourgogne et se mit à leur tête. Il menaça le pape dans Avignon jusqu'à ce qu'il eût levé l'excommunication prononcée contre les routiers. puis il entraîna cette masse confuse de 30 000 hommes au-delà des Pyrénées pour renverser Pierre le Cruel et installer Henri sur le trône de Castille, ce qui fut fait sans résistance. Licenciés, les compagnies revinrent au nord des Pyrénées, marquant ainsi pour la France une désastreuse préférence. Elles recommençaient à piller en conscience, quand le prince de Galles les réunit de nouveau et les emmena pour restaurer le prince qu'elles venaient de renverser. Henri et du Guesclin furent battus par leurs soldats de l'année précédente. Bataille de Navarette, 3 avril 1367. Une nouvelle expédition fut faite en 1368. Du Guesclin y conduisit encore les routiers du Languedoc et d'Auvergne, et avec eux rétablit Henri. Bataille de Montiel, 14 mars 1369. Mais dès 1369, la guerre était rouverte entre la France et l'Angleterre. Les compagnies trouvèrent à qui offrir leurs services. Préparatifs d'une nouvelle lutte. Charles V n'avait pas liquidé les affaires de Bretagne et la guerre de Navarre, poursuivie ou écartée des compagnies du royaume, pour jouir d'une paix oisive. Tandis qu'il semblait mener une vie belle, ordonnée et honorable en toutes choses, il se mettait en mesure d'effacer le traité de Brétigny. Le recueil de ses actes et mandements nous fait assister aux préparatifs qu'il a conduits pendant 5 ans avec une patience et une sûreté admirables. Ce sont des préparatifs diplomatiques, des missions partout. Ainsi sont assurées les alliances effectives du pape Urbain V, de l'empereur Charles IV, de Galeas Visconti de Milan, de Robert Stuart d'Écosse. Ce sont des préparatifs financiers, toute une série d'assemblées destinées à liquider la lourde charge de la rançon du feu roi et à préparer des ressources nouvelles. Ce sont encore et surtout des préparatifs militaires. De grands commandements locaux sont organisés. Le duc d'Anjou au sud, le duc de Berry au centre, le duc de Bourgogne au nord. La trésorerie des guerres est aux mains d'un financier habile, Jean le Mercier. Les arrêages dus sont payés aux gendarmes. Le service de la solde est assuré avec régularité. Une flotte est organisée. Des commissaires visitent les places fortes, les châteaux seigneuriaux. Enfin, au début de 1369, le roi interdisait les jeux ordinaires pour encourager le tir de l'arc et de l'arbalète et ordonnait à ses officiers d'instituer de véritables concours avec prix. La rupture du traité de Brétigny. Ainsi se préparait la guerre, quand survinrent les événements qui firent déchirer le traité de Brétigny. Les cessions stipulées par ce traité avaient froissé les populations. Les seigneurs les plus puissants acceptaient difficilement la domination anglaise. Ils voyaient avec colère de lourdes impositions frapper leurs hommes. C'est ainsi qu'au début de 1368, le comte d'Armagnac repoussa le fouage que le prince noir voulait lever sur ses terres. « Pour rien, disait-il, nous ne mettrions en telle servitude. » Il fut soutenu par les comtes de Périgord et de Comminges, le sire d'Albret. Leurs réclamations à Bordeaux et à Londres ne furent pas écoutées. Alors, ils demandèrent justice à Paris, au roi de France. Déjà, le comte d'Armagnac avait marié sa fille au duc de Berry, frère du roi. En outre, Charles V ménagea le mariage de la sœur de la reine avec le sire d'Albret, lui promettant les 60 000 francs que lui devait le roi d'Angleterre. Bien plus, le 30 juin, le roi signa une convention secrète qui mettait les mécontents dans son alliance. Cependant, aucune décision n'avait été prise sur l'appel solennel fait par les barons au roi de France. Le 30 juin 1368, au conseil du roi, 37 membres furent d'avis de l'accepter. À une seconde réunion, il fut dit que le roi devait le faire sous peine de péché mortel. Charles V se déclara fondé à recevoir l'appel. Après quoi, dans les derniers jours de juin 1368, la citation à comparaître devant la cour du roi fut envoyée au prince de Galles. Le prince entra dans une grande fureur. Il dit qu'il viendrait à Paris le bassinet en tête, avec 60 000 hommes. Il appela Chandos. Il réunit ses hommes d'armes. Charles V, au contraire, est calme comme un juge. Il fait occuper Abbeville et le Ponthieu, avec la connivence longuement préparée des habitants. Il rallie à son autorité les villes du Poitou et de l'Aquitaine par des missions pacifiques. Il est vrai que cette conquête est soutenue par de bonnes et solides armées. Dès la fin de 1369, la lutte est complètement engagée en Gascogne, en Poitou, en Normandie. La guerre. Elle ne fut pas éclatante, marquée par de grandes batailles et d'héroïques faits d'armes. La tactique était, au contraire, de laisser les ennemis user leurs forces et leur patience, de profiter de toutes leurs défaillances pour reprendre méthodiquement les villes, châteaux et lieux forts des territoires cédés au traité de Brétigny. En 1370, la grande chevauchée de Robert Knolles et l'incendie de Limoges par le prince de Galles déterminèrent Charles V à confier la plus haute charge militaire du royaume, la connétablie, à l'homme en qui il avait le plus de confiance pour ce genre de guerre. Du Guesclin fut mandé à Paris par message. Les courriers le trouvèrent dans la vicomté de Limoges. Il partit aussitôt. De crainte d'être pris par les Anglais qui infestaient le pays, il était habillé de draps grisés. Le roi lui fit grand accueil à l'hôtel Saint-Paul et lui annonça, en le prenant par la main, qu'il le faisait son connétable. Bertrand refusa d'abord, s'excusant de son indignité. Il était un pauvre chevalier et petit bachelier, au regard des grands seigneurs et vaillants hommes de France. Comment que la fortune l'eût un peu avancé? Le lendemain, il y eut une grande assemblée de conseils et de chevalerie. Le roi promit à Du Guesclin de ne jamais croire le mal qu'on pourrait dire de lui. Puis, il prit l'épée en sa main dextre toute nue, et devant lui fut messire Bertrand, agenouillé, qui l'épée reçut. Là, baisa le roi messire Bertrand en la bouche, et se leva. À côté de Du Guesclin, d'autres capitaines, Olivier de Clisson, Breton lui aussi, est connétable à la mort de Du Guesclin. Jean de Vienne, amiral de la mer. Mouton de Blainville, maréchal de France, etc. L'histoire de ces 10 années de guerre est leur propre et glorieuse histoire. À plusieurs reprises, les Anglais tentèrent à travers le royaume de ces grandes chevauchées qui leur avaient souvent réussi sous les règnes précédents. C'est d'abord le duc de Lancastre, en 1369, qui parcourt la Picardie et la Haute-Normandie jusqu'à Harfleur, puis revient sur ses pas, n'ayant fait qu'une inutile promenade. L'année suivante, c'est Robert Knolles qui part de Calais avec une forte armée. Il s'avance lentement, profitant d'une belle moisson, extorquant de grosses rançons aux villes et aux gens de plat pays. Il voudrait livrer bataille, mais pas une armée devant lui. Paris reste fermé. Tandis qu'il se retirait à travers le Maine, il fut attaqué par Du Guesclin auprès de Pont-Vallin. Le combat fut très dur. Là eut bataille fière et merveilleuse, fut grand le froissi de lances. Les Anglais furent battus, leurs débris se réfugièrent dans les forts de la frontière de Bretagne. En 1373, nouvelle tentative aussi malheureuse. C'est le duc de Lancastre qui, pour la seconde fois, conduit l'armée d'invasion forte de 30 000 chevaux. Il part de Calais pour rejoindre Bordeaux et espère bien rencontrer sur sa route quelques victoires. Mais derrière l'armée anglaise suivait une excellente armée française, formée en Normandie, qui harcelait et surprenait, mais n'acceptait jamais la bataille. La traversée de la France fut pour les Anglais une longue défaite. À cela vinrent s'ajouter des pluies terribles, qui firent déborder toutes les rivières et amenèrent des maladies. Tout le Charrois fut perdu à la traversée de la Loire. Lancastre arriva en Guyenne avec seulement 6 000 chevaux. Les résultats des campagnes françaises sont bien différents. La tactique est tout autre. C'est une guerre de siège et de surprise. Le Poitou, les provinces du Midi cédées en 1360, sont reconquis ainsi, pièce à pièce. En 1370, le duc d'Anjou s'empara de plus de 40 places fortes. La campagne de 1372 donne La Rochelle, Moncontour, Sainte-Sévère, Poitiers, Thouars, etc. À la grande joie des bourgeois, restés français de cœur. Le duc de Bretagne a fait défection et s'est retiré en Angleterre. En 1373, le connétable et Clisson ont parcouru tout le duché et toutes les villes se sont rendues, sauf Auray, Derval, Brest et Bécherel. La campagne de 1374 en Gascogne est dirigée par le connétable et le duc d'Anjou. Elle donne près de 50 places. 2 ans de trêve se passent. En 1377, 123 places tombent encore aux mains du duc d'Anjou. Il ne restait plus aux Anglais, au sud du royaume, que Bordeaux, Bayonne, Dax et Bazas. Un siège mémorable occupait en même temps la Normandie. Les Anglais y tenaient la place très forte de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Après plusieurs tentatives malheureuses, grâce à l'argent de la province libéralement offert par les États, un siège en règle fut organisé. C'est vraiment le début de la grosse artillerie de siège. Jean de Vienne dirigeait les opérations. À l'été de 1375, la place fut rendue. Il y eut aussi des succès sur mer. La guerre fut portée jusque sur les côtes anglaises. Dès 1372, une puissante escadre, comprenant, outre les navires royaux, des nefs espagnoles, détruisit une flotte anglaise devant La Rochelle. En 1377, 35 grosses nefs admirablement pourvues prirent la mer. Avec les navires de commerce réquisitionnés, elles formaient une flotte de 120 bâtiments, portant 5000 combattants. Jean de Vienne la commandait. Ayant été rejoint par les nefs de Castille, il alla ravager les côtes anglaises, où l'effroi fut immense. En 1380, Charles V voulait pousser activement les hostilités sur mer. Il demanda au roi de Castille d'augmenter son escadre. Dès le printemps, avant l'arrivée des Espagnols, Jean de Vienne alla occuper Jersey et Guernesey, qui devinrent françaises pour quelques années. Renforcé de 20 vaisseaux castillans, la flotte française gagna, comme en 1377, la côte anglaise. La ville de Winchelsea fut prise. Jean de Vienne pénétra dans la Tamise, à la grande terreur de l'Angleterre. Dès 1373, Grégoire XI avait cherché à faire accepter sa médiation. Comme chaque campagne était, pour les Anglais, remplie de revers et signalée par la perte de nombreuses places, en 1374, ce fut Édouard III lui-même qui écrit au pape pour lui annoncer qu'il acceptait des conférences à Calais ou à Bruges. Elles s'ouvrirent en effet à Bruges le 20 février 1375. On y vit le duc de Lancastre et le duc de Bourgogne. On voulait une paix durable et complète. On ne put la faire. Les conférences furent reprises l'année suivante à Bruges, puis à Montreuil, sans plus de succès. À la place de la paix définitive, on conclut une série de trêves. Tous ceux qui avaient conduit la guerre avec tant d'ardeur disparaissaient tour à tour. Le 8 juin 1376 était mort le prince de Galles. Rendant hommage à son ennemi, le roi de France en fit faire obsèques et services très solennels. Presque en même temps s'éteignait au Louvre, en prison, un des compagnons du prince noir, l'aventureux Captal de Buc, Jean de Grailly. Un an plus tard, le 21 juin 1377, déjà vieilli et brisé, s'en allait Édouard III. Affaire de Bretagne et de Navarre. Il y eut une recrudescence de guerre à partir de 1378. C'est du côté de la Bretagne où, depuis longtemps, Jean de Montfort a fait défection pour retourner à l'alliance anglaise. Les seigneurs et les villes bretonnes n'ont pas voulu être complices de sa félonie. À peu de choses près, la Bretagne entière, depuis 1373, est occupée par les troupes royales. Charles V aurait dû se contenter de faits acquis. Il voulut, par surcroît, se donner le droit, ce qui gâta tout. En décembre 1378, il ajourna le traître en parlement. La cour le déclara coupable de lèse-majesté, forfait, privé de tous ses honneurs et biens. En Bretagne, on n'admit point cette déchéance définitive, cette réduction sommaire du duché, dont la vie isolée et presque indépendante se trouvait menacée. Le roi tint à Paris une assemblée de seigneurs bretons, du Guesclin et Clisson en tête, où il prêcha longuement, montrant la justice de sa cause, les crimes de son ennemi. Il fit prêter des serments et confirma toutes sortes de privilèges. Ce fut insuffisant. Les seigneurs bretons se détachèrent. Le duc, rentré dans son duché, y fut reçu comme il ne l'avait jamais été. Du Guesclin et Clisson, envoyés avec les hommes d'armes, n'y pouvant rien, se retirèrent en 1379. Le roi était mécontent, soupçonneux. Une sorte de désaffection se met entre lui et son connétable, qui n'a pu totalement dépouiller le Breton. et ce n'était pas seulement les affaires de Bretagne, mais celles de Navarre qui semblaient recommencer. Charles le Mauvais ne pouvait se consoler d'avoir perdu Mantes et Melun, qui touchaient à son comté d'Évreux, pour la baronnie lointaine et toute reniée de Montpellier. Il avait longuement, patiemment négocié, intrigué, sans rien obtenir. La guerre anglaise ne rendit pas le roi de France plus complaisant. Il offrait mariage et argent, mais c'était tout. Une entrevue ne fit rien. Charles le Mauvais mit le genou en terre, prêta l'hommage lige, promit foi, loyauté et obéissance. Mars 1371. Mais tant de promesses annonçaient une nouvelle félonie. Presque aussitôt, en effet, des négociations secrètes furent nouées avec le roi d'Angleterre. En décembre 1378, la mesure était comble. Un chambellan de Navarre, Jacquet de Rue, fut arrêté. Ses coffres saisis livrèrent une étrange correspondance avec des noms simulés et des chiffres. Tout était découvert. Le roi de Navarre offrait aux Anglais une nouvelle trahison. On ne pourrait affirmer qu'il fut précisément question d'empoisonner Charles V. Toutes les forteresses navarraises de Normandie furent occupées. À l'été de 1378, il ne restait que Cherbourg, qui ne put être repris à une garnison anglaise. Il y eut des condamnations, des exécutions, des confiscations. Le parti navarrais fut frappé de terreur avant d'avoir pu agir. Fin de la section 9.